Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 7ème round d'Infinite Wars 2016. La semaine dernière, c'est Spider-Man 2099 qui a rejoint Twilight Sparkle, Gertrude, Chip, Deadpool et le 10ème Docteur pour une finale qui commence à sentir le what the fuck. Aujourd'hui, 8 nouveaux personnages sont en course, pas tout à fait. Le round 7 des Infinite Wars, c'est maintenant. Et avec moi ce soir, pour sa peut-être dernière chance de qualifier un personnage en finale, Arnaud. Salut. Qui défendra Venom, qui commencera la partie avec 14 points, et Willow Rosenberg, qui commencera la partie avec 16 points, qui sera donc un des deux personnages les plus puissants de ce round. Avec moi également, le défenseur de Laser Boy, avec 8 points, et Squirrel Girl, avec 9 points, évidemment Clément. Salut. Quelle présentation. Il va défendre Nightwing, Monsieur Nightwing. Avec 13 points, c'est Léo. Yes, salut. Et pour ma part, j'aurai la charge de sacrifier Miss Marvel et ses 15 points pour que Wally West gagne des niveaux. Voilà. Histoire de coïncider avec l'actualité en plus. Et deux personnages. Allez, et bien c'est Miss Marvel qui va commencer. On rappelle les règles à chaque tour. Une attaque ou un soin, plus un événement au hasard parmi 100, parmi lesquels plein de joyeuseté telles que des reboots, des morts instantanées ou des fists. Alors, pour mon premier lancé, on va y aller tranquille. On va attaquer Squirrel Girl parce que je ne peux pas la blairer. L'écureuil, les mecs, franchement. Voilà, et bien un point. On commence tranquille. Un point. Et alors là, tout de suite là, événement 99, donc je sais déjà que Miss Marvel est morte. Voilà. Oh, c'est tellement moche. Oh là là là là. Donc ma stratégie pour ce round est foutue en l'air, donc... C'est sale. Ah non, mais celle-là, le premier alors, coup, Mathieu, franchement... Tu pouvais pas faire mieux. J'avais pas regardé l'événement, j'étais concentré sur mon lancer, et là je baisse les yeux et je vois ce putain de 99 qui s'affiche. C'est la deuxième fois que ça t'arrive en plus. Mais hein, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé dans le round 5 je crois, donc évidemment, événement 99, on va quand même le lire. Bang, dead. You're dead. Voilà. Voilà. Et bon, Arnaud, c'est définitivement ton tour là. Hein. Si t'arrives pas à qualifier un personnage avec ce qui vient de se passer, voilà. Hein. Faut. Allez, Venom, c'est parti. Allez, je vais continuer sur la lancée et attaquer l'écureuillette. On met un écureuil, les mecs, franchement. Zéro. Et l'écureuillette... elle a quand même mis à mal Wolverine. Hein. Catin d'écureuillette. On sait que les animaux, on la prime cette année. Hein. Salope. Je vous dis, elle... Attention, elle hein. Une araignée, un poney, et puis un écureuil, déjà. Hein. Non, ben, chien. L'event, c'est le 81. 80. Je continue ou t'as 4 2 points de plus? Eh ben, 2 points de plus pour Venom. Qui fait les événements? Vous voulez que je continue? Moi, ça m'amuse. Je vais continuer les événements. Vas-y, fais les événements. Laser Boy, l'homme de cuir. Je vais attaquer Nightwing. Mais ta gueule un peu, mais laisse-moi tranquille. Je t'en foutrais, le Verboy. Va. Et le Laser Boy, on sait, hein, avec son fouet, il fait mal. Moins 6. Quoi? Non, mais c'est un scandale. C'est pas possible. Je I'm out. Alors, vous savez que on est dans l'émission de l'improbable. C'est ça. Non. Non. Événement 100. Ouf. Ah non. Requiem, le dernier mort revient à la vie. Oh non. Oh putain. Miss Marvel est de retour et ça va faire mal. Quoi. Mathieu, je sais pas ce qui t'est arrivé là. Genre t'as fait une rencontre entre la chance et la poisse. Genre tu t'es mis en plein milieu et ouais. Là t'as pris les deux en même temps. J'ai des images très sales qui me viennent, Léo, merci. Oui, bah ça va, il y a un Leatherboy dans l'affaire. Allez, et ben merci, putain. Merci Leatherboy, merci. Putain, ouais. Le cuir. Non, moi je n'aime pas Leatherboy. Je m'en souviendrai. Nightwing, à toi. Putain, je sais même si je sais. Ouais, bon. Bah écoute, Nightwing, il se sent un peu seul. Un peu sale aussi, peut-être. Ouais, bon. Et je vais me soigner. Nightwing, Dick Grayson, le plus beau cul des comics, se soigne de 5 points. Ah. Il revient presque à son niveau de base, donc 12 points. Événement numéro 7, on va pas très loin dans la liste. 7, Hail Hydra, les super vilains gagnent 2 points. C'est-à-dire Venom. Franchement, Arnaud, t'as tous les compteurs là. Bon, même Venom si passe en tête avec 18 points. On sait jamais avec ma chance. Et Wally West est là, et Wally West va se souvenir que Laser Boy a ressuscité Miss Marvel et va donc attaquer Squirrel Girl. Quel bâtard. 4. Aïe. Donc Squirrel Girl se retrouve déjà avec 4 points. Événement 58. Alors maintenant, j'ai très peur avec les événements. 58, il ne se passe rien. Donc ça va. Et qui enchaîne, c'est Willow Rosenberg. Et oui, et elle non plus, elle n'aime pas les écureuils. Hein. Ah non, bah non. Avec les petits glands, là, c'est très maléfique. Après, tu me dis que je suis sale. Ah bah alors là, tu viens de faire un truc improbable, c'est-à-dire que tous tes dés sont à 0. Toute la ligne est à 0. Wow. Donc là, au moins, je risque pas de me tromper. Quant à ton événement, c'est le 5. Le 5, gel, personnage intouchable pour les 3 tours. Eh bien, écoute, Willow Rosenberg sera intouchable par Squirrel Girl, Miss Marvel et Venom. Squirrel Girl, tu as évité le drame, tu vas te soigner. Un écureuil va-t-il rejoindre un autre écureuil et elle se soigne de 1. Miss Marvel va-t-elle faire le comeback de la mort? Et là, elle va faire 100. Miss Marvel, non, Miss Marvel va remercier les Herboys et va le soigner, c'est la moindre des choses. Quoi? Ah, merci. Elle est ressuscitée grâce à les Herboys, donc elle va le soigner. Mais alors, le prochain, elle lui démonte sa race. 3 points, profites-en, c'est les seuls que t'auras. Événement numéro 4. J'ai très peur avec ce chiffre. Numéro 4, Fantastic Four. Infligez-vous un lancer de dégâts pour me faire pardonner. Ça, faut que je me fasse pardonner. Donc, je fais un lancer et bah, écoute, moins 4. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah, ouais. Ta générosité te perdra, Mathieu. C'est ça. Donc, 11 points pour Miss Marvel. Et c'est toi, Venom, de jouer. Et bah, elle va attaquer l'écureuillette aussi. Et bah, Venom va attaquer l'écureuillette. L'écureuillette est une grosse mouleuse depuis tout à l'heure. 0 encore. Putain. Donc, l'écureuillette va être intouchable. Événement 73. 73, attention. Et c'est le Days of Future Past. Les 3 dernières actions sont reproduites à l'identique. Ouais, c'est-à-dire 1-0 sur l'écureuillette. Moins 4 pour Miss Marvel. 1-3 pour les Herboys. Et un moins 4 pour Miss Marvel. Bah, je suis ravi. Tout ça, c'est que pour Clément. Tu peux remercier Squirrel Girl pour ça. En tout cas, ce que j'avais annoncé au début de l'émission va peut-être se produire. Je ne dis pas plus. Les Herboys, c'est à toi de jouer. Je vais soigner Squirrel Girl. Squirrel Girl. Écureuillette. Voilà. Le mec, il a un personnage, il l'appelle même pas comme il faut. Mais non, mais. Mais Squirrel, il n'y a pas un seul L. Je vais. Ouais, c'est deux R un L. Je vais soigner Squirrellette. C'est ça. Bon, tu lances ton putain de dé. C'est bon, il est lancé. 2 points. Événement 40. Donc, Écureuillette qui passe à 7 points. Événement 40. Chichi, les 3 prochains joueurs t'attaquent. Ah, les 3 prochains joueurs vont donc se faire un plaisir de taper sur les Herboys. À commencer par Nightwing. Tout le monde tape sur. Tout le monde tape sur les verbes. D'accord. Ah oui, moi je vais me venger. Tiens, tu vas prendre dans ta race. Enfoiré de cuir. Allez, tiens. Léo a des griefs. Moins 4 pour commencer. Les Herboys passent à 10. Événement 66. Événement 66. J'ai peur de ce 66. Ça sent le diable. Ah non, moi, danse de Batouzi. Rajoute 3 points à l'action que tu viens de faire. Prends ça, Clément. Voilà. Donc là, clairement, les Herboys est presque fini. Hein. Et c'est voilà. À Wally West de jouer. Donc Wally West n'a pas le choix. Il attaque les Herboys de 3 points. Ça date d'un boulevard à Arnaud. Avec un événement 17 qui peut être intéressant, on ne sait pas. Événement 17, Assemble, les héros gagnent 2 points. Alors, les héros, c'est Miss Marvel, c'est pas Venom, c'est les Herboys, c'est Nightwing, yes. C'est Wally, évidemment, c'est Willow et c'est Écureuillette. Alors que c'est à Wally d'attaquer et peut-être que du coup, grâce à ces deux. Elle a déjà attaqué Wally. C'est à Willow, je voulais dire. Wally, Willow. Donc il attaque forcément. Donc Willow attaque forcément les Herboys avec une attaque de 4, ce qui aurait suffi s'il n'avait pas récupéré les 2 points tout à l'heure. Juste à l'action. Ça, c'est ma chance, ça. Événement 90. 90, je crois qu'il se passe rien dans celui-là. Ouais, il se passe rien. Il ne se passe rien. C'est donc à Squirrel Girl de jouer. Eh ben, je vais attaquer les Herboys. Oh la petite putain. Oh putain. Oh la traînée. Oh le chien! C'est la faute de Wally ça! Oh la traînée, et puis elle le tue en plus, moins 3. Oh non! Sérieux, elle passe au niveau 2. Ça passe donc, écureuillette, oui, tu l'as compris. Les mecs, on est en train de laisser passer un écureuil! On a déjà laissé passer un putain de poney! Écureuillette arrive donc au niveau 2 avec 18 points. L'événement, c'est le 9. 9, oh, Killgrave, tout le monde peut prendre 7 points. Je te permets pas d'utiliser David, je ne te permets pas avec ton putain d'écureuil. Ça fait 2, ça fait 3. Les mecs, j'ai la haine contre cet écureuil. 5, voilà, Écureuillette prend la tête au niveau des points. Écureuillette est une pute. Avec 23 points quand même. Pardon? Oui. Pourquoi elle chope 5 points d'un coup? Bah parce que tout le monde vient de lui redonner un. Ah putain. Voilà pourquoi. Mais t'as capté. J'ai le combo parfait. J'espère que t'es content de ton pacte avec le diable, Clément. Hein. Miss Marvel va mettre les grands moyens en place et va soigner Wally West. 6. Oh bien. Événement. Oh putain, 98. Il ne se passe rien, je le sais. Miss Marvel a failli faire la deuxième mort par suicide. La plus célèbre. C'est à Venom de jouer. Ouais, non, j'ai rien dit. Venom, 17, il va attaquer Miss Marvel. C'est pas une mauvaise idée. Oh putain, moins 7. Ah putain. Oh, non, Venom, il est niveau 1, excusez-moi, moins 5. Moins 5. J'ai eu peur. Mais moins 5, ça fait mal quand même. Événement. Événement 55. Attends, je me remets de mes émotions. 55, un point de moins. Un point de moins pour Venom, donc. Qui passe à 16 points. Et c'est à Nightwing de jouer. Nightwing attaque Miss Marvel. Ouais, Miss Marvel va-t-elle mourir une deuxième fois? Eh bien, pas encore. Moins 1. Moins 1. Non, mais c'est pas possible. Événement 21. C'est Wally West qui va gagner, je veux. Événement 21, un point de plus. Hein, fait chier. Un point de plus pour Nightwing, du coup. Oh là là là. Ah, bah, il va faire ça. Eh, je vous avais dit, hein. Wally West, il va buter Miss Marvel. Hein. Putain, je le sens, là. Non. Ouais, 5, ça suffit largement. Tricheur. Oh là là là là. C'était ma seule chance pour Nightwing. Alors, Wally West, niveau 2. 32 points. Hop. Événement 78, quand même. Faut quand même le faire. Hein. Événement 78, je crois que c'est un seul événement. Baby Groot, tous les personnages récupèrent un point au début du prochain tour. Eh ben écoute, c'est bien ça. Willow va donc récupérer un point tout de suite et va jouer. J'ai de la peine pour Willow là. Ah, la pauvre Willow, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Bah, j'ai bien une idée, mais. Tabasse l'écureuil, par vengeance. Elle va te soigner. On est au cas où. 6. Comment vous dire? Événement 1. Non! Non! Non! Non! Reboot, des retours au début du jeu avec moitié de points. Oh putain! Oh là là là là! Mais c'est la partie. On n'a pas fait pire, je pense. Vraiment, je crois que là. Donc... Et ça veut dire qu'ils perdent leur niveau ou pas? Bah oui. Oui, ils perdent tout. Oh putain! Retour à zéro. Bah, non, ils avaient gardé leur niveau la dernière fois. Non. Non? Non. Ouais, je suis pas sûr. Mais on perd les niveaux aussi. Bon, on perd les niveaux. Alors, donc du coup, on va mettre. On va mettre Toc. On va mettre ce qui fait Miss Marvel. J'ai perdu. Qui fait Miss Marvel 8 points, puisqu'on arrondit toujours au supérieur. Venom 7. Laser Boy 4. Nightwing 7 aussi. C'est chaud cette partie. Hein. Wally West 8. Willow 8. Squirrel Girl 5. Voilà, donc là, ça va être, ouais, ça va jouer sur des un coup là. Hein. Les personnages sont tellement affaiblis. Wow. Qui vient de faire ce petit coup de merde là? Arnaud. Arnaud avec Willow. Avec Willow, ouais, c'est ça. C'est donc Écureuillette qui va commencer cette partie qui a pris un tour complètement nouveau. Bah, tu sais quoi? Je vais attaquer les Arboys. Un petit don, c'est étonnant. Je vais faire le fou. Et bah, 2 points pour les Arboys. Ah putain. Événement 40. Attends. Événement combien? 48. Me dis pas que ça rajoute 2 points à ton action. Hein, parce que... 48, un point de plus. C'est ce qui est important à ce niveau-là. Laser Boy, 2 points. C'est à Miss Marvel de jouer. Rappelez-vous, Miss Marvel avait été ressuscitée par Laser Boy et là, elle va le trucider. Sans pitié. Ouais, et puis bien en plus, 6. Tiens, on embarrasse le cuir. Voilà, donc le cuir retourne à la maroquinerie. Tout va bien. Et Miss Marvel passe au niveau 2. Mais du coup, elle va récupérer quoi? Elle va récupérer 8 et 8, 16. Vous allez voir que Mathieu va qualifier Miss Marvel et pas Wally West. Moi, ça m'emmerde rien. Je suis très marrant. Venom, à toi. L'événement de Miss Marvel. 27, excuse-moi. 27, les 2 points de moins. Dans ta gueule. Ah, mais faut être juste un peu. Venom, bah, il va attaquer Squirrel Girl. C'est ça, tabasse cet écureuil. 0, je suis sûr. Ah, pas du tout. Pas du tout. 6. Oh, oh, oh le putain. Ce qui veut dire qu'en 2 tours, Clément est éliminé du round 7. Enfin. Et donc, du coup, Venom prend un donc niveau. Pas des curieux. Venom prend un niveau et reprend donc 7 points. 14 points pour Venom. Niveau 2, exactement la même chose que Miss Marvel. Et l'événement ? Et l'événement 55. Ouais, c'est vrai. Sauron, il aurait pu mourir. Événement 55. On l'a déjà fait, je crois. Ouais. C'est le... Un point de moins. Un point de moins. Bon, ça passe. Ça pourrait... Hey, Nightwing, à toi. Alors, Nightwing, il est un peu paumé. Parce que vraiment, les 8 points, là, c'est un peu genre... Ouais. Nightwing, il va tenter de se soigner. Eh bien, de 1 point, c'était très utile. Événement 38. Écoute, on fait ce qu'on peut. Sidekick, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Alors... Attends, ça veut dire quoi cet événement, Mathieu, juste pour être clair? Ça veut dire qu'à sa prochaine attaque, en plus d'attaquer le personnage, il te soignera. Oh, d'accord. Je vais donc choisir je vais choisir Miss Marvel pour me soigner cette prochaine attaque. D'accord. Et c'est à Wally West de jouer. Wally West n'est pas très content qu'on touche à sa Miss Marvel. Du coup, comme lui, il n'est pas obligé de te soigner, il va attaquer Nightwing. Mais non, mais t'attaquerais le plus beau cul des comics. Ouais. Écoute, oui. Oui. Mais c'est pas beau, putain, tu pourrais... Justement. Moins 5. Oh, je te hais. Événement 91. 80, je crois qu'il... pouvoir de la licorne, un arc-en-ciel te protège, les trois prochaines attaques contre toi sont baissées à 1 point. Donc Wally pourra perdre maximum 3 points sur les points. Wally est donc en mode licorne. Oh, grande corne dans le cul. C'est parti pour Willow. Willow, elle va attaquer Nightwing. Mais c'est le plus beau cul des comics. Donc, c'est le truc logique à faire. Moins 2 et Nightwing n'a plus qu'un point. Événement 95. On y est dans ces 90 depuis tout à l'heure, quand même. Hein. 95, c'est le 1 point de moins pour Willow. Ce qui veut dire 7 points pour Willow. C'est à Miss Marvel de jouer. Miss Marvel a 14 points. Elle est obligée de soigner Nightwing. Et en plus de soigner Nightwing, l'attaque qu'elle a choisi de faire, c'est soigner Wally. 10, donc ce qui fait beaucoup plaisir à Nightwing. Ah, bah ouais. Et beaucoup plaisir à Wally, forcément. Tout va bien pour les deux personnages. Et c'est à événement 11. Événement Schumacher, la pince à téton te fait perdre 2 points. Ouf, la petite pince à téton. La petite mignonnette. Donc, et Miss Marvel, 12. Wally est protégé combien de temps? Wally, c'est les 3 prochaines attaques sur lui. Ah, donc... C'est pas dans le temps, c'est les 3 prochains qui l'attaquent. Voilà. Et fait quoi? C'est, les attaques sont annulées? Réduites à 1 point. D'accord. Donc même si c'est 0, ça sera 1. Venom. Non, mais ça me fait mal, là. Je vais attaquer Willow. Ah oui, c'est la seule chose intelligente à faire. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Bah oui, je sais, ça fait mal. Ce qui fait le plus mal, c'est que tu la tues pas. Moins 5. Oh non. Événement 70. Willow, donc, à 2 points. Événement 70. Paris Comics Expo, tu gagnes 2 points. Maigre consolation. Mais consolation, quand même. Et c'est à Nightwing de jouer. Nightwing va-t-il tenter de dégommer Willow? On va rajouter 2 points. Oui, à Venom, oui. Écoute, j'aime bien Alison Hannigan, mais là, je suis désolé. Là, l'amour c'est... a fait limite, on est d'accord. Voilà. Allez, on tape. Elle est surpuissante en vrai, non. Bah, elle est surpuissante, ouais, mais c'est Nightwing. Nightwing lui montre son cul et lui fait perdre 2 points. Oh oui. Surtout que son cul l'intéresse pas. Quoi, donc voilà, Willow, bye bye. Oh. Nightwing passe au niveau 2, et niveau 2, ça veut dire 14 points. Grâce au reboot. Ah, connerie de reboot. Combien il y a l'événement? Événement 2. Les personnages Marvel perdent 2 points. C'est-à-dire Miss Marvel et Venom. Là, t'as flippé hein, de dire numéro 1. J'ai eu peur du numéro 1, là, vraiment. Nightwing, alors moi, c'est à Wally West de jouer. Nightwing devient dangereux, là. Mais laisse mon Nightwing tranquille, regarde son cul et ose me dire que tu veux l'attaquer. Nightwing devient dangereux, du coup je vais l'attaquer. Non ! Mais putain ! Si ! Ah, moins 6, gueule, moins 6 pour Nightwing. Non, pas moins 6, t'abuses. Eh ben si, événement 73. Événement 73, Days of Future Past, les trois dernières... Comment ça, les trois dernières actions sont reproduites à l'identique. Donc ce qui est reproduit à l'identique, c'est moins 2 pour Miss Marvel, moins 2 pour Venom et moins 6 pour Nightwing. Oh, putain, mais de merde. Passe à 2 points. Et du coup, ça change complètement ma stratégie. J'aurais même pas pu profiter de mon niveau 2, moi, à ce rythme-là, putain. Parce que du coup, je joue avec Miss Marvel maintenant, et ma stratégie, c'était de soigner Wally West pour qu'il grimpe le plus haut possible. Mais ouais, là, avec un Nightwing à 2 points... Mais laisse Nightwing tranquille. Mais Nightwing va finir, tu seras Miss Marvel contre Wally. C'est con. Ouais, bah, c'est pas grave. Je sacrifierai Miss Marvel. Mais c'est lui qui va un niveau supérieur à Wally. Putain, là ça m'emmerde. Hein. Laisse Nightwing tranquille, regarde son cul. ça m'emmerde là. Ça se trouve, ouais, faire. Hein. Est-ce que je vais aller jusqu'à soigner Nightwing pour que du coup il reste un petit peu plus en jeu et que ça m'arrange? Oh non! Oui. T'as bien soigné les Verboys. Je défoncerais direct. Bah, c'est pour ta gueule, toi t'es mort. Hein, donc ça servirait à rien. C'est stratégique de soigner Nightwing aussi. Non, je vais pas aller jusque-là quand même. Mais ah après, bah, c'est Venom, il va passer au niveau 3 s'il le tue. Mais oui, imagine, tu fais 1, 0. Laisse Nightwing tranquille. Putain de merde. Non, mais là, j'ai pas le choix, je suis obligé de tuer Nightwing. Non, non. T'as le choix. On a toujours le choix. On a tous le choix. Non, alors tu changes pas et tu soignes Nightwing. Je soigne Nightwing. Non ! Mais non, c'est pas drôle. Je le soigne. Pourquoi tu soignes Nightwing et pas Wally West ? Je soigne Nightwing parce que Wally West a pas mal de points et que je voudrais que Nightwing reste un tout petit peu plus en jeu pour faire le jeu de mon Wally West. Pour admirer son cul. Voilà. Bon, je soigne pas de beaucoup, je soigne de 2, mais bon. Oh putain. Ça peut suffire à le sauver. Événement 75. Je sens que ça va être la punition pour Miss Marvel. Événement 75, 9 Ced. Ok. Venom, à toi. Venom, il va attaquer Nightwing. Mais non, laisse-moi. Désolé, mais il va pas gagner. Normal, et c'est 3, donc... C'est sûr. Nightwing est quand même... voilà, événement 45 qui peut peut-être finir de le sort de Nightwing. Sex Criminals, arrête le temps pour faire une attaque sur un autre personnage. Ah, sur un autre personnage. Donc soit Miss Marvel, soit Wally West qui est protégé par la licorne, on le rappelle. Miss Marvel. Moins 5. Ouh. Et c'est à Nightwing de jouer. Alors là, la question est-ce que je tente ou pas ? Parce que tabasser Miss Marvel, là, ça peut sauver Nightwing en même temps et le re-soigner, ouais, ça... De toute façon, ça peut. Ça peut. Qu'est-ce que tu veux ? J'attaque Wally West, ça sert à rien. Venom, je pourrais pas le tuer. Et si je me soigne, ça se trouve, je ferai un coup de merde. Donc. Tu peux te suicider ? Ouais, tu peux te suicider aussi. Oui, bah vous avez raison, tiens. Tant pis, je tente le tout pour le tout, le panache, l'attaque, le tout pour l'attaque. Et c'est l'attaque contre Miss Marvel. Pas trop et là, c'est 0. Tu lances un dé qui peut aller jusqu'à 10, elle a 3 points. A priori, tu prends pas de risque. T'as un peu plus de chance qu'Arnaud. Et tu fais 3. Yes! Putain, non! Oh yes! Oh, ce que c'est bon, putain! Pardon. Léo a eu son orgasme. Là, Léo vient de nous faire un. Alors. Du coup, 3 points. Ce qui fait 7 x 3, 21. Hop, Nightwing passe à 21 points et il est de niveau 3. Il commence à être un petit peu dangereux. Mais parce que j'ai 3 fait du cul, ça, les mecs. Avec le reboot, son. Il passe niveau 3, putain. Et oui. Et ce qui est bien, c'est que Wally West est toujours protégé par la licorne. Putain, mais il va être. Ça va être violent. Et que ça peut l'aider, ça. Ça peut l'aider. Donc Wally West, il va attaquer Nightwing. Mais non ! Bah si, mais c'est logique. Mais attaque Venom, putain. Moins 5. Moins 5. Oh, mais là. Événement 5. Événement 5, personnage intouchable pour les 3 prochains joueurs. Donc non seulement il a la licorne, mais en plus il est intouchable par jusqu'à ce qu'il ait rejoué en fait. Voilà, donc j'en en fait, c'est à Venom. Il va se soigner. Il n'y a pas de challenge. Alors que je lui offre presque... Mais toi, t'es mort, toi. Sur un plateau. Je peux pas tuer, Nightwing. Mais moi non plus, même si tu fais 10, j'arriverai pas à le tuer. Rageux, il a envie, hein. Mais je suis le personnage le plus faible, donc il me protège. Ou passer au niveau 3. Nightwing, c'est à toi. Avec un dé de niveau 3, événement 7 pour Venom. Événement combien ? 7. 7. 7, les super vilains gagnent 2 points. Et ben Venom. Oui. Nightwing. Et ben écoute, on va utiliser le dé de niveau 3. Qui est l'alligator là, qui dégage que je puisse faire mon coup là ? Voilà. Non, si, non, c'est merci. Le rouge. C'est bon. Alors, je vais me soigner. De toute façon, je peux pas taper Wally et je ne peux pas tuer Venom. Donc, je me soigne. Tu es de niveau 3, c'est ça ? Donc, ouais. 7. Oh, c'est beau, ça. Événement 4. Fantastic Four, infligez-vous à lancer de dégâts pour vous faire pardonner. Donc, à lancer de dégâts de niveau 3. Bien sûr. Je fais un face palm là, je vous dis pas. Donc là, ça peut faire très mal. Eh ben écoute, 6. Oh putain. Eh ben ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Effectivement, ça aurait pu être pire. Wally West attaque, hein, elle attaque Nightwing toujours. Hein, ça change pas. Ça change pas, ça change pas. C'est... Moins 4. Putain, en plus il a du cul, enfin c'est pas possible. Non, Nightwing a du cul, mais lui encore pire. Moins 4, et du coup l'événement, bah du coup merci à celui qui vient. Voilà, 24. Quoi ? 24 l'événement. 24, pardon, j'ai pas entendu. Oh, non. Le personnage repart au score qu'il avait au début du round. Et c'est qui ? Bah pour toi du coup. Nightwing ? Non, Wally West. Ah oui, Wally West, je veux dire. Bah il repart à 16 points du coup. Donc du coup, moins 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en reprenant son score de départ, s'il passe au niveau 2, il passe à 32 points. Ah merde. Et oui, puisqu'il a été relaunché. C'est à Venom. Il va attaquer Nightwing. Ah bah c'était temps. Ouais, il fallait me protéger avant. Trop tard, parce que du coup c'est Wally qui va en profiter, mais... c'est fait, lancé, niveau 2, c'est 8. Ouch. Aïe. Événement 30. Événement 30, j'ai très peur. C'est le Comic Con Paris, tu as perdu ton temps et 2 points. Ouais, j'ai bien fait de venir. Bah, au Comic Con Paris, on a toujours bien fait de venir. Nightwing. Et ben Nightwing tente le rester en vie et il va se soigner. Parce que bon, je tente pas le Venom. Ça sent bon pour Venom, quand même, tout ça. Non. J'ai fait le soin. Excuse-moi, 1 point. Non, tu déconnes. Mais j'ai fini niveau 3, putain. Sous la petite case level 3, j'ai 1. Voilà. Je te hais. En même temps, j'ai 2 et 3 sous les autres, hein. C'est pas non plus très glorieux. Combien l'événement ? 31. 31. Wilson Fisk, lors de la prochaine attaque contre toi, choisis un personnage qui prendra à ta place. Ça va être la revanche de Nightwing. Du coup, ça pue pour Venom parce que c'est à Wally West de jouer et il va attaquer Nightwing. Oui, bah t'attaqueras Venom à la place. Bah non, parce qu'il est en licorne, donc ça va ramener qu'un point, c'est pas intéressant pour Léo. Bah c'est pas grave, il perd un point. C'est pas ramener un point, c'est une BC d'un point. Donc Nightwing, qui est-ce que Wally West attaque du coup ? Mais il peut s'attaquer lui-même si Nightwing le décide. Léo ? Donc attends, oui, non mais je pose la même question qu'Arnaud, Wally West peut s'auto-attaquer ? Oui, il peut se faire mal, oui. Et d'un point. Mais d'un point. Mais d'un non, point, il s'est baissé d'un point, mais pas assez. Non, baissé à un point. Baissé à un point. Ah, un point. Ah bon ? Oui, oui. En même temps, t'as 3 attaques contre toi qui seront baissées à un point, enfin ouais. Un truc à un point là. Moi, il faudrait y passer. Ça en ferait une de moins, sinon c'est Venom qui prend cher. Pitié, je perds depuis le début. Je perds depuis le début et un peu de pitié. Non. Toi, t'as perdu, tais-toi. Stratégiquement. Toi, t'es mort, tu parles pas. Stratégiquement, je sais pas ce qui est le mieux. De se dépêcher. Wally va prendre Venom comme bouclier humain. Ouais. Mais non ! Il va prendre Venom pour bouclier humain. Donc, le lancer de Wally, niveau 1, de toute façon, 1 point. Voilà. Donc, Venom, moins 1, il passe donc à 13. Et l'événement, c'est le 47. 47. Hail Hydra, les héros perdent de 3 points. Putain, donc Nightwing, ça pue pour ton cul. Ouais, et ça pue pour Wally West aussi, il perd 3 points, je pense. Oui, oui, aussi, ouais, mais Nightwing, il se retrouve à 3, et c'est à Venom de jouer. Coucou. Écoutez-le. ça le fait le truc, coucou, tu veux voir ma bite ? Ouais, c'est ça. Mais ça. Complètement. Alors, ça. Alors Venom est très rancunier. Ah oui. Et il a envie de gagner, quand même. 5. Jouer. 5. Ouh. Nightwing est décédé. Mais j'étais niveau 3. Et alors là, Arnaud est mieux placé que jamais pour se qualifier en finale. Il passe au niveau 3. Il passe au niveau 3 avec donc 21 points. Arnaud, si tu perds vraiment, je sais pas ce qu'il faut. En face, on a Wally West de niveau 1 avec 13 points. Mais attends, je termine. Avec Wally West niveau 1 avec 13 points, mais encore 2 attaques protégées par la licorne. Et c'est à l'événement 87 d'avoir lieu. 87, il ne se passe rien. Merci Léo. Eh bien écoute, Wally va faire preuve de panache, il va profiter des 2 attaques de la licorne dont il bénéficie, donc du coup il va attaquer Venom tant qu'il est plus ou moins intouchable. Alors c'est pas ici qu'il faut que je fasse le dé, c'est là. 4. Il y a Arnaud qui a des pulsions, enfin qui a des, comment on dit, des convulsions là. Voilà, c'est ça, des sueurs. 38 pour l'événement. 38, sidekick, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Oh bah écoute, Venom. Mais du coup avec ton truc, c'est baissé à un point. Ouais. Bah, c'est pas une attaque, c'est un soin, mais bon, oui, on peut. Ah, si, quand même. L'intitulé, c'est la prochaine attaque, les trois prochaines attaques sont réduites à un point. Donc, logiquement, les soins, non. Il y a un vice de procédure, là. Défends-moi. C'est-à-dire que, en fait, Arnaud va. Attends, laisse-moi voir. Arnaud va attaquer Wally West. Non, il va pas avoir le droit d'attaquer, justement. Wally West lui demande de le soigner, d'après son pouvoir qu'il vient d'avoir. C'est pas une attaque. Oui, mais ça pourrait être une attaque. Non. Non, mais donc c'est en fait. Demande, moi, je pourrais d'abord essayer de t'attaquer. Mais je suis obligé de te soigner. Non, tu n'as pas le droit de m'attaquer puisque avant, je te choisis comme sidekick. Il a raison. En fait, plutôt que. En fait, ouais. Attends, c'est l'événement 38. Choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, Arnaud vois, va la attaquer. Prochaine attaque, il te soigne. Donc attends, laisse-moi finir. Donc, ça veut dire que Arnaud va attaquer, mais au lieu de ça, il va soigner. Donc, bah, ce qu'on avait fait les dernières fois qu'on a vu cet événement, ce qu'on avait fait, c'est le personnage avait attaqué. Et en plus, il avait soigné le personnage qui était choisi. Ah bon? Oui, on l'a fait juste il y a tout un dans ce round-là, hein, pour Venom ou pour les Orboys ou pour je sais plus qui. Donc, on peut dire que Arnaud attaque et du coup ça réduira un point, ça fait une voilà, attaque. Voilà, et en plus il y a le soin. Mais en plus il y a le soin, ouais. Bah, c'est de la valeur du dé. De la valeur du dé. Donc en fait ça te fait deux actions. Donc ça t'arrange. Bah ça l'arrange, mais juridiquement, si on peut dire, c'est le plus logique. Enfin, c'est le plus juste en fait. Enfin... Donc Venom va attaquer Wally West. L'attaque sera réduite à un point, quoi qu'il arrive, mais le chiffre de l'attaque sera du soin. Mais dans tous les cas, ça t'arrange encore plus. Bah ouais, mais Arnaud, dans tous les cas, sinon, bah, il avait qu'un soin et tu faisais que le soigner, donc. Moins, ça fait moins un, et ça me nique une licorne. Et ça lui nique une licorne. Ouais, donc, non, t'as pas le choix, Arnaud. Donc vas-y, ouais. Fais ton lancer. Alors, pour l'attaque, donc c'est moins un, et pour le soin, c'est plus 6. Et voilà. Mais pas énorme en soi, on aurait pu mettre 15. Oui, enfin, tu me dépasses quand même. Événement 26, quand même, il faut faire l'événement. Événement 26, les personnages d'ici gagnent 2 points. Il y en a. Donc, c'est Wally. Bah, ouais. Et Wally. Vous allez voir, je vais perdre encore. Wally 20, Wally va attaquer. Wally. Hein. Il va profiter de son immunité encore pour une attaque. Il va attaquer de 3, c'est pas. Événement 40. Événement 40. Le chichi, les 3 prochains joueurs t'attaquent. Oui, en même temps. Bon, d'accord. Donc Venom va m'attaquer, oui. L'attaque sera réduite à un point, donc lance pour au moins avoir l'événement, moins un d'attaque, plus de licorne sur Wally West, c'est l'événement peut-être. Événement? Non, tu déconnes. Non, événement 3. Événement 3, le prochain personnage passe son tour. Donc Wally West passe son tour. Et Venom, ça peut être bon ça. Venom peut réattaquer, on est toujours dans le chichi, on le rappelle. Hein. À 10 points. Ouch. Moins 10. Événement 48, Léo. 48, 1 point de plus. Pour Venom, donc. Donc Venom est à 15 points. Wally West est à 9 points. Mais Wally avec persiste. Avec ma chance, hein, on sait jamais. Wally persiste, il attaque. 2, plutôt. Bon, bah, ça sent mauvais, hein. Ouais. Événement 54. 54, il ne se passe rien. Ouais, la chance de Mathieu tourne, là. Vas-y. Nightwing, Venom d'attaquer, il attaque Wally, il attaque de 11 points. Et c'est fini, Arnaud a gagné! Oh, il y a encore l'événement, enfin. Il y a encore l'événement! On sait pas. Vas-y, d'abord, je mets le compteur à 0 pour Wally, je passe le Venom d'Arnaud à 4 points, au niveau 4 plutôt, donc du coup. Et la requiem. Et l'événement, non, c'est pas ça, le nombre de points. Alors? Et l'événement 88. 88, Supersonic Punch Baby. Bon, l'attaque que tu viens de faire est augmentée de 3 points. Arnaud réussit donc à qualifier un personnage pour la finale des Infinite Wars et il s'agira de Venom qui sera au niveau 4. Ouais, mais bon, Blur Willow Rosenberg. Donc niveau 4, ça veut dire 4 x 14, 56, exactement le même cas de figure que Spider-Man 2099 lors du précédent round. La finale est composée pour le moment du Dixième Docteur, de Deadpool, de Chip, de Gertrude, de Twilight Sparkle, de Spider-Man 2099 et de Venom. Il nous reste un round à disputer la prochaine fois. Il verra s'affronter Starfire, Jessica Jones, Supergirl, le Joker, The Watcher et Double Face. Harvey. Mais ça, c'est pour le round 8. À bientôt. Salut. Salut.